France Inter. François Morel, à vous. Oui, la reine Elisabeth disparue, de nombreux chefs d'État, femmes et hommes politiques, journalistes, personnalités diverses, se sont succédés depuis hier soir pour rendre publiquement un dernier hommage à la souveraine et tenter de dessiner un portrait qui serait incomplet si l'on avait renoncé à approcher l'un de ses plus proches amis, l'un des plus fidèles parmi les fidèles, un compagnon de route et de chemin creux qui a toujours su rester à sa place puisque si naturellement il a connu la reine dans son intimité la plus absolue, il ne l'a jamais trahi, ayant toujours refusé d'apporter la moindre révélation sur sa vie privée. Cet ultime invité, Léa Nicolas, s'appelle Pessy Brock. Il est face à moi. J'ai traversé la Manche pour le rencontrer. C'est un chien Welsh Corgi de race Pembroke qui a accompagné la reine partout, notamment sur les tapis de Buckingham et les prairies de Balmoral. Et je voudrais d'abord le remercier d'avoir répondu, d'accepter de répondre à mes questions, puisque je crois que c'est votre première interview. It's your first interview. Vous n'avez pas l'habitude de vous répandre dans les médias. You are not used to speak, especially in on France Inter. Et ce n'est pas un secret de dire que vous aurez le mois prochain 13 ans et demi, ce qui est un âge très vénérable pour un chien. Et que par ailleurs, vous êtes venu jusqu'à mon micro malgré une dysplasie de la hanche, j'espère passagère. Alors première question, Pessy Brock, qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Et plus généralement, quel est votre état d'esprit depuis hier soir? What is your state of mind since yesterday? Merci Pessy Brock. Je dois dire que c'est un cri du cœur et sans doute l'un des témoignages les plus troublants parmi tous ceux qu'on a pu entendre ce matin. Comment était la reine au quotidien, Pessy Brock, avec vous? On a envie de savoir, on est curieux, elle était comment? Affectueuse, joueuse, attentionnée? Oui. Oui. Oui, je comprends. Évidemment, vos réponses sont riches et pas toujours faciles à traduire, mais je pense que l'auditeur de France Inter qui est intelligent aura compris l'essentiel de votre intervention. Alors, question difficile et peut-être prématurée, mais aujourd'hui, comment imaginez-vous votre avenir? Il semblerait, je ne sais pas si c'est une rumeur, I don't know if it is a rumor, que Stéphane Bern se serait proposé pour vous adopter. C'est une éventualité que vous pourriez imaginer sereinement? Oui. Là, pardon. Oui. Non, non, mais très bien. Voilà Nicolas, Léa, Nicolas, ouais. Léa, vous, voilà, mais c'était François Morel, envoyé spécial en Angleterre. Kinley's, donc, Ginley. Be quiet, Pessy Brock, please, s'il vous plaît. Merci beaucoup, François Morel. France Inter.